le A. Je marque du bas de la pente avec la rage au ventre. Je suis dans un moonstone, comprends que j'ai pas le temps pour les rimes tendres. Mon flow d'attaque lâche pas le steak comme un Rottweiler. En cette nouvelle ère, faut que tu comptes avec mes loups vénères. V'là le punisseur, le cogneur, l'élément perturbateur. J'kick les suceurs et les usurpateurs. Après ce passage, mon sbeul et mon feu les traumatisent. C'est NEH du 9 de mon vieux de la donarise. L'ambiance est dark et sombre. On débarque et j'arte les wacks quand on largue la bombe. Ma troupe elle est dans l'ombre, mes gars sont dans l'ombre. Fais gaffe quand ça plombe ou cache-toi sous ta tombe. Boum, dès la première rime c'est la catastrophe. Voilà ce que mon arme t'offre, un paquet de crimes à chaque strophe. Lyrical Kalachnikov pour les mettre off. Sorti de ma poche, mes balles ricochent et ne rate pas le coche. Vente de balles tringue, couchez-vous sur le parquet. Le virus va s'installer, on défoncera tout cette année. Pas le temps de blaguer, le bad dance t'a embarqué dans le rap. Un tas de gens claqués, marche avec les jambes barquées. Baissez les bras, jamais tu peux pas nous pesto. Nos bastos, les cantos, les faux finissent à l'hosto. C'est gratos, que tout soit tout que sous costaud. NEH qui cause trop, alors pourquoi nous taisions? Pas le temps de plaquer, la bombe est larguée. MC, barre-toi si ton rap est claqué. Ok, on débarque sans le top départ. Bête d'écart sur les faux qu'on se tape des barres. Oh, les imposteurs veulent monter à bord. Dites-leur qu'ils ont tort, pas moyen qu'on collabore. Du rap corps, mec t'es à la bourre. Ton corps on le retrouve à terre sur le parcours. Alors cours, prends tes jambes à ton cou. On vient t'aige ton crew au plus profond du trou. Ça vient du neuf de tout. Tu veux tester tes fous. Trop de speed pour vous, on vous écrase sur la route. J'crache dans ta soupe et te, j'suis petite salope. Dégage, on charge comme d'hab, ça sera le choc. NEH le place pour les présentations. J'arrive avec du lourd pour une putain d'invasion. GG, ça fait quoi? NEH, NEH. Ok, ok, Street Master. GG, 1, ok, ok, ça fait, yo, 1, 1. J'déboule avec mon armée, clic de tueur né à l'heure où vous dormez. Chez nous, ça rap chambé. Gros, j'ai l'engin, j'nique dans tes enceintes. La prod est un vagin, baisse là où reste en chien. J'enchaîne et maintiens le niveau. Malmène mes rivaux, crime au micro, m'amène au nigo. J'viens laisser mes empreintes et les MC à plat ventre. J'les hante, les feintes terminent dans leur fente. Font tous dans le froc avant même qu'on s'affronte. Verbal et mon Glock pour vous foutre la honte. En bas de la pente, on s'apprête à flinguer. On tend le guet-apens, ils se mettent à pas le tringuer. Je démarre du bas de la pente avec la rage au ventre. Je vis dans un mouton, comprends que j'ai pas le temps pour les rimes. Mon flotte attaque, lâche pas le steak comme un Rottweiler. En cette nouvelle ère, faut que tu comptes avec mes loups vénères. V'là le punisseur, cogneur, l'élément perturbateur. Kick les suceurs et les usurpateurs. Après ce passage, mon sbeul et mon feu les traumatisent. C'est NEH 9 de mon vieux de la zone à rire.